Ok. Aperdu. Instru. Yeah. Aperdu. La vérité. La vérité. Ouais. Ouais, gros. 2011, imaginary. Ok. Y'a plein de choses que j'avais envie de vous dire. Plein de choses pour la peine que j'avais envie d'écrire. Le silence tue le sourire et pour la peine je reste triste. Pourtant le bonheur est à portée de mes mains. Et pourtant quand je me réveille le matin, je me dis que le présent reste dur malgré le passé. Dites-moi pourquoi je reste ainsi fixé. Pourquoi malgré tout ce chagrin je ne mérite aucun câlin. C'est à croire qu'on a envie de me rejeter et qu'on ne croit pas en mes projets. Y'en a marre. Mais je reste fixé, toujours debout et à rester déterminé. De se dire que la galère c'est terminé. De savoir aussi qu'on est obligé d'oublier. Non. Pourtant quand la solitude vient, je coule les larmes du passé sur mes mains. Mais dites-moi pourquoi sans toi je n'y arrive pas. Y'a tellement de choses dans ma tête qu'à force je continue à être bête. Tête baissée, larmes aux yeux. Quand on me dit bien sûr que c'est de ma faute. Le passé, oui le passé. Bien sûr j'ai tout gâché. Dieu sait que je ne peux être pardonné. Mais au fond de moi, j'ai réussi les exploits que personne n'aurait cru penser. Bête comme mes pieds, on m'avait prédit d'être clochard dans le passé. Ceux pour qui j'ai tant aimé, à cause d'une erreur de moi, m'ont quitté. Et à force de cette solitude, bois pour oublier. La mort est proche, enfin je vais pouvoir plus penser. Que quand la mort viendra me chercher, que je reste le con qui a tout gâché. À faire les fuir les amis, la famille, mes enfants, je l'ai bien mérité. Et aujourd'hui je plonge dans le noir, vers la dame en noir, oui. Elle qui viendra me chercher, et c'est dans ce trou noir, là où tout le monde va m'oublier. On dira que j'étais un con, et en plus je ne le savais pas. Quand je pense, c'est peut-être ma récompense, celle d'un homme maudit. Celle d'une solitude infernale qui me tue. L'alcool va me ronger, ouais. Et c'est là-dessus que je vais en crever. Car je suis un être de l'humanité. Un être de l'humanité. Oui, je l'ai bien mérité. Oui, je l'ai bien cherché, jugé. Un être de l'humanité. Un con comme moi, on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. Mais bon, j'ai tout cherché. J'ai pu fuir ma famille, mes amis. Et j'ai fait le con ainsi que j'ai tout perdu. Un être de l'humanité. Le con ainsi vu. A chaque fois que je me montre dans une classe, j'ai honte de moi, si tu savais. Ouais. Oui, j'ai tout niqué, voilà ma propre vérité. C'est là, celle d'un mec, la vérité. Les conséquences sont là, mais les dés sont lancés. Le destin a jugé, oui, a cru bon de me faire oublier. Malgré la tristesse, je rappe ce texte pour ne pas oublier que FRG n'est pas à rater. Que pour ces mots, voici mon tombeau. Et que j'en reste désolé d'être un mec pour qui la vie est à refaire. Mais à refaire grave, yeah. Ok, yeah. Je compte sur vous, FRG. Ok. Quoi de neuf, Boulevard City? Voilà ma propre vérité. 2011, imaginary. Ok.